Tous les jours j'ouvre les yeux dans la cave. Trouve-moi comme une silhouette dans la passe. Frelons, parlons peu, parlons cash. Chaque jour je me réveille et tout est black. Tous les jours j'ouvre les yeux dans la cave. Trouve-moi comme une silhouette dans la passe. Frelons, parlons peu, parlons cash. Chaque jour je me réveille et tout est black. Pourquoi tu me dis que tu me connais? Tu n'as pas connu le survie qui m'animait dans le temps. Près de moi se tient le malin, j'ai dû mener tant de combats qui m'ont défini après que tout est bâti dans le sang. J'ai beaucoup de mal à pleurer, gavale armée tranchante. Mes ennemis je les connais, on a grandi ensemble. J'ai dû marcher dans le vide avec un briquet dans le vide, mais j'ai grandi convaincu que je n'aurais jamais 30 ans. Si t'es brave, on s'entend. Ils font brailler dans le vent. J'ai la rage de l'ancien. J'ai le cœur de l'enfant. Perçu comme un seul enfant, je n'ai fait que déguiser ma colère depuis césarienne. Tout ce venin que j'ai contenu m'aura fait rêver d'un avenir où la haine s'apaise. Vitre sans teint, j'ai la pancarte. Niquer des mères, c'est le mantra. Parti de rien fait l'impensable, de ma vie j'arrive à l'entracte. Elle me demande si je suis détendu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a que le regard de mon père qui puisse vraiment me mettre hors d'état de nuire. Je suis trop malade à l'intérieur, amour antidote. Mâchoire serrée devant le miroir quand je brandis Glock. Les hommes n'apprennent que dans l'effroi, vécu dans le brasier, dis-moi comment garder tête froide. Je prends pas le métro, je suis à l'étroit, dans mon cerveau je suis à Détroit. Tous les jours j'ouvre les yeux dans la cave. Trouve-moi comme une silhouette dans la passe. Frelons, parlons peu, parlons cash. Chaque jour je me réveille et tout est black. Tous les jours j'ouvre les yeux dans la cave. Trouve-moi comme une silhouette dans la passe. Frelons, parlons peu, parlons cash. Chaque jour je me réveille et tout est black. Chaque jour c'est le naufrage, tout cet argent ne guérit pas l'esprit. Traite-moi comme un sauvage, tu verras bien tout ce que mon âme exprime. Tous les jours je respire dans un sac plastique, c'est ça ma vie. Abdul traîne avec Thomas qui traîne avec Sofiane, c'est ça ma ville. Rappelle-toi mes 17 balais, j'étais perdu comme à jamais. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait, aujourd'hui un homme pleure. Dans le noir, lumière apparaît sous la gorge et le cran d'arrêt. Le courroux c'est tout ce qu'on avait pour aimer, il faut le cœur. Ils veulent me tuer, je suis déjà mort mais sans rancune. J'encaisse les coups, tu me verras jamais dans les cordes. J'en aurai qu'une autour du cou. Dans le fond je sais que tu ne percutes pas, mais ces fils de pute n'ont pas de cran. Sais-tu combien je me déteste? Faire le bien je m'exerce. Ne m'attends pas comme ton père, je serai absent. Tant d'espoir dans l'œil du chien, croise une meute de loup, je me sens parmi les miens. Méfiant quand on veut du bien, car les ombres ne dansent que dans flamme qui s'éteint. Rafale dans tes genoux, pas d'airsoft. Je vois des gens même quand il n'y a personne. Ils veulent mon âme, ils allongent les meilleurs hommes. Pendant qu'on travaille pour devenir de meilleurs hommes. Tous les jours j'ouvre les yeux dans la cave. Trouve-moi comme une silhouette dans la passe. Frelons, parlons peu, parlons cash. Chaque jour je me réveille et tout est black. Tous les jours j'ouvre les yeux dans la cave. Je me réveille, tout est black.